Adeli na mwen eme wapila na vapoun wè sa na fè. Ma wò galate se se mwen deja genyen de douzen tâche. Si vous répondez moi, ma femme ou elle t'a abandonné. Et dis-moi ce l'on passé, racontez-moi tout ça qui est dans le cœur. Et les livres l'angélis, et combien pour faire cette histoire, c'est pour. Et les livres l'angélis, et combien pour faire cette histoire. Si vous besoin fait affaire, allemande quand on m'a demandé ceci. Moucher si vous aimez, qui m'ont mis craignant, mais l'emporté. Cabalé, il fait minuit, combien d'étoiles qui gagnent dans le ciel. Adelina, moi, même, en dégager, pour moi, ça n'a fait. Adelina, moi, même, en pile. Chérie, pour nous ça n'a fait. Adelina, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi